Yeah. que j'étais devant la glace avec mes godasses assez vendues.

Sur le dos, en direction de la grosseur d'une botte, vers la localité la plus proche.